J'ai sur l'acoustique, la classique, mais sinon j'ai la guitare électrique aussi. Ouais, mais il y en a beaucoup qui me disent ça, mais en fait, je mute le métronome en général. Il me déconcentre. Et je peux lire, je peux suivre visuellement. Ah ok. Ouais, mais en fait, moi je suis par rapport à ce que j'entends en fait. Je suis par rapport à le retour des autres. Je trouve que c'est mieux quoi, je sais pas. À l'oreille. Avec le métronome, ça fait un peu trop micro-ondes, quoi.